Lola. Je ne voudrais pas que tu rejoignes la masse Lola, la masse des filles qui m'ont snobé comme des connasses. Continue comme ça, intéresse-toi à moi, accepte-moi, viens boire un coup chez moi Lola. Je ne voudrais pas que tu rejoignes la masse Lola, la masse des filles qui vont snober comme des connasses. N'oublie surtout pas que tu habites à côté de chez moi, tu es faite pour moi Lola. Je ne voudrais pas que tu rejoignes la masse Lola, la masse des filles qui vont snober comme des connasses. Chez moi, viens boire de la Maximator. Chez moi, viens boire de la Maximator. Chez moi, viens boire de la Maximator. Chez moi, viens boire de la Maximator. Chez moi. Et on se fera des bisous.